c'est à mon propre sort. Je n'ai pas signé le raccord. Messieurs, j'attends vos rapports. Me causer du tort. Laissez à mon propre sort. Je n'ai pas bien compris leur métaphore. Je ne ferai aucun effort. Ceci n'est pas de mon ressort. Je ne veux plus être sous leur juridiction. Je vous demande d'arrêter vos fonctions. Le moment est venu de vous dire objection. Votre jugement n'est plus en considération. J'ai envie de crier à mort la fraternité, à quand l'égalité, où est la liberté? J'ai envie de crier à mort la fraternité, que c'est une simple phrase récitée. Laissez à mon propre sort, je n'ai pas signé le raccord. Messieurs, j'attends vos rapports, vous me causez du tort. Laissez à mon propre sort, je n'ai pas bien compris leur métaphore. Je ne ferai aucun effort, ceci n'est pas de mon ressort. Arrêtons de voter pour une société lucrative. Votons pour celle qui sera inactive. Reprenons-leur le pouvoir. Et menons-les eux à l'abattoir. J'ai envie de crier, la machine est lancée. Quand est-ce qu'on fera tout sauter? J'ai envie de crier, la machine est lancée. Car mon avis, on va tout faire péter. Pic, pac, boum, boum.